Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Les amis du grain des mots, Radio Clapas 93.5, bonjour à tous. Bonjour. Et meilleurs voeux pour cette nouvelle année, puisque c'est la première émission que nous enregistrons pour ce mois de janvier. C'est la première en 2018. Alors, Christian va nous préciser la rencontre que nous allons faire aujourd'hui, une rencontre que j'oserais qualifier d'impériale. Oui, Marc, je vois très bien pourquoi tu choisis ce terme. Impérial, oui, bien sûr. C'est avec Joël Baquet. Joël Baquet, pour son dernier livre aux éditions POL, livre qui s'intitule « La fonte des glaces ». Et si Marc fait référence à cet adjectif ô combien majestueux, c'est que, figurez-vous, dans ce livre, il s'agit de pingouins et plus particulièrement de manchots. Alors, et notamment d'un manchot empereur. Et particulièrement d'un manchot empereur, mais qui est très, très spécifique, puisque le narrateur, le personnage principal du roman, le trouve sur une brocante, il l'achète, c'est un manchot empaillé. Et donc il rentre chez lui, il tombe, je pourrais dire, presque en amour devant cette bestiole qui est là devant lui. Donc il en fait l'acquisition, il le prend sous le bras, il rentre à la maison, et puis de là découle une histoire absolument homérique, cocasse, inattendue, qui fait la part la plus belle à l'imagination. Je ne vous en dirai pas plus, parce que vraiment, il faut écouter Joël Baquet et lire « La fonte des glaces ». Donc Joël Baquet à la librairie à la rentrée dernière avec Emmanuel Blanc qui anime l'entretien. Voilà, à la librairie du Grain des mots, bien évidemment. Bonsoir Joël Baquet. Bonsoir, bonsoir, merci d'être venu. On vous reçoit aujourd'hui pour La Fonte des Glaces qui vient de paraître chez POL pour cette rentrée de septembre. On est absolument enchanté de vous accueillir ici parce qu'on a adoré ce livre, on a pris beaucoup de plaisir, enfin moi en particulier, dès le mois de juin quand on l'a reçu, beaucoup de plaisir à la lecture de ce roman. C'est votre quatrième roman. Alors, dire que c'est un livre drôle, c'est vraiment un euphémisme en fait. On a beaucoup déjà lu d'articles et ce livre a déjà fait pas mal parler de lui pour son humour en particulier et les qualités magnifiques de styliste que vous y avez mises. Donc déjà, pour vous présenter très très simplement, vous dire à tous que c'est le quatrième roman de Joël Baquet. Il y a un an, il nous avait fait une très très belle surprise avec un très court livre qui s'appelle « La mer, c'est rien du tout », qui avait été aussi très remarqué, pas seulement dans cette librairie, dont je sais que certains l'ont beaucoup apprécié, mais pour plein de raisons, mais une chose très très très particulière qui tenait à sa forme un peu hybride comme ça, un genre très particulier qui se rapproche plus de la prose poétique que du roman, ou du moins du fragment, qui est une autobiographie de jeunesse. Ça se passe pas loin d'ici. Une autofiction. En fait, vous êtes biterrois de naissance. Oui. Donc, dans ce petit texte, il était déjà beaucoup question d'un lieu qui s'appelle Mont-Blanc, qui est un village à côté de Béziers, et dans lequel vous avez passé votre jeunesse et une partie d'adolescence avant de partir vers d'autres lieux. Voilà. On aura, j'espère, l'occasion d'en dire un peu plus, parce que c'est un texte magnifique. Auparavant, il y avait aussi deux romans. Le premier, L'ère du mouton, qui est une rencontre. Les quatre sont chez POL. Donc voilà, il a été jusqu'à présent très fidèle à cette maison d'édition. Le premier, c'est une rencontre entre deux personnes en Belgique un peu improbable, deux êtres qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Voilà. Et puis le second, vous aviez écrit, ça s'appelle La Salle. Et c'est là aussi quelque chose d'une belle prouesse littéraire. C'est un portrait d'un trader qui ressemble à peu de choses près à une espèce de Jérôme Kerviel moderne, enfin moderne et contemporain, dans un moment comme ça de grandeur et de déchéance. Et c'est aussi un texte très, très, très beau. Voilà. Et puis j'insistais là-dessus, sur celui-ci en particulier, parce que on y retrouve des qualités qui sont celles d'un poète, et parce que vous avez commencé à écrire en rentrant dans le champ littéraire, si je puis dire, dans l'univers des lettres, par la poésie, en particulier dans un petit texte qui est là, que je voudrais vous citer, parce que, enfin vous montrer, qui s'appelle Startup, Manuel d'anti-poésie primaire. Bon, déjà le titre, c'est tout un programme en fait. Et là aussi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Une dernière chose pour présenter La Fonte des Glaces en ouverture, c'est la quatrième de couverture qui est absolument un petit bijou d'amorce. Vous savez que c'est un art assez répandu chez les éditeurs que de trouver l'hameçon idéal pour attraper les lecteurs. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit. Oui, j'écris moi-même mes quatrièmes de couverture. Alors, donc c'est l'auteur qu'il faut féliciter dans ces cas-là, parce que là vous avez fait mouche, on peut dire. Ça présente vraiment en peu de mots et avec beaucoup de finesse tout ce qui va se passer dans ce roman. Enfin, tout, peut-être pas tout, parce que ce serait long sur une quatrième. Un homme traverse une brocante, il se laisse tenter, on emballe son achat dans de vieux journaux, les choses s'enchaînent, il devient une icône de la cause écologique. Voilà, ça c'est le pitch du roman. Alors ceux qui l'ont déjà lu comprendront évidemment que c'est un doux euphémisme, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup plus de choses dans la vie de ce Louis que nous allons découvrir que ce qu'en laisse penser le simple fait qu'il trouve un... Alors, on le dit alors, parce que c'est un manchot empereur, en fait, qu'il trouve dans une brocante. Et c'est le point de départ de votre roman. Alors donc, tout de suite, d'emblée, Joël, quelle mouche vous a piqué d'écrire cette histoire improbable, invraisemblable, autour des aventures de Louis et de cette rencontre qui va changer sa vie avec un manchot empereur. Quelle mouche, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que quand je commence à écrire un livre, j'écris une phrase qui me vient à l'esprit, et ensuite je ne sais absolument pas où je vais, et ce jusqu'au bout. Donc les choses s'enchaînent vraiment, mais vraiment, phrase après phrase, chaque jour, je ne sais pas où je vais, donc ça s'enchaîne comme ça, en l'occurrence sur une année à peu près. Et puis les choses arrivent. Je pense que l'esprit travaille énormément de façon inconsciente, et je pense que quand je suis sollicité par une première phrase, j'ai déjà beaucoup de choses à moi sur l'histoire, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas, et c'est le fait de commencer à écrire qui fait que les choses adviennent. Enfin, j'interprète ça comme ça, parce que c'est vrai que, d'une part, je ne me force jamais à écrire, c'est-à-dire que je n'ai pas de discipline de travail, me mettre tous les jours 3 heures à produire, ça, je ne fais jamais. J'écris uniquement quand j'en ai envie et quand j'ai de la jubilation, du plaisir à écrire exclusivement. Et pour que j'ai ce plaisir, je pense qu'il faut déjà que j'ai un peu la matière à moi, qui est cristallisée un jour pour une première phrase. Et à partir de ce moment-là, c'est relativement facile pour moi d'écrire, bien que je ne sache absolument pas où je vais, j'ai pas d'angoisse, parce que je me fais confiance quelque part. Voilà. Donc il y a des choses assez un peu rocambolesques qui arrivent, et ça arrive vraiment comme ça. Il n'y a pas de plan prémédité ou d'idées préconçues. Je ne sais vraiment pas où je vais. Ce qui fait qu'il y a effectivement des virages de la narration qui peuvent être assez brutaux, des digressions, parce que c'est l'esprit qui suit son cours, voilà. C'est ma façon de travailler. Alors, quand vous dites assez rocambolesque, c'est, là aussi c'est un euphémisme, parce que le roman est une suite incroyable de péripéties, dans un genre effectivement qui pourrait être celui du roman dit rocambolesque, ce genre fantastique, de fantastique littéraire un peu extraordinaire, où on multiplie les péripéties, les exploits, les aventures, toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Vous êtes lecteur de ce genre de littérature ? Mais en fait, je j'aime vraiment pas ce genre de littérature. Voilà, parce que on n'en écrit plus beaucoup. Parce que souvent, il y a une espèce de ratio entre le nombre d'aventures, tout ça, et un peu, sans prétention aucune, mais la qualité de l'écriture. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et du coup, moi, personnellement, je ne lis pas les choses où il y a trop d'aventures, de personnages et d'intrigues. Ça m'ennuie, et ce n'est pas ce que je recherche. Et du coup, je suis assez étonné d'avoir écrit un livre où il se passe beaucoup de choses. Voilà. C'est comme ça. Est-ce que vous pourriez nous dire, juste pour commencer, Bon, je pense que certains l'ont lu, mais pas mal de nos auditeurs ce soir ne connaissent pas encore votre roman. Donc on ne va peut-être pas raconter, évidemment, toute l'histoire, ce n'est pas l'intérêt. Mais au moins le début de cette aventure incroyable, en présentant un minimum Louis, ce qu'il est et ce qui lui arrive dans les, on va dire, les 50 premières pages. Oui, Louis, qui est le personnage principal du roman, est un retraité, ancien charcutier, veuf, plus ou moins dépressif, et qui, depuis qu'il a perdu sa femme et qu'il ne travaille plus, n'a plus de sens à sa vie. Donc il vit au jour le jour sans avenir, ce qui est très triste. Et il retrouvera un sens à sa vie, une passion, grâce à ce manchot un peu rempaillé, trouvé par hasard à la porte d'une armoire dans une brocante, qui traversait aussi par hasard. Parce que les choses arrivent aussi comme ça dans la vie, par hasard, pour le meilleur ou pour le pire. Une simple petite chose peut faire dériver la vie vers une. Et donc, La fonte des glaces, c'est la fonte de. C'est un livre qui parle aussi du réchauffement climatique, donc c'est la fonte des glaciers, de la banquise. Et c'est aussi la fonte des glaces du personnage principal, Louis, qui tout d'un coup retrouve un sens à sa vie, comme je le disais, et dont les glaces qui l'emprisonnaient. Ben, se mettent à fondre doucement et sa vie retrouve une vivacité de cours d'eau qui suit la pente. Alors la pente de quoi justement? La pente d'événements qui subit, parce qu'il est très très passif, il maîtrise rien, et effectivement il deviendra une icône de la cause écologique, mais sans l'avoir cherché, malgré lui, en partie pour la bonne cause, en partie parce qu'il est manipulé. Et donc c'est le livre un livre sur la solitude en fait. La partie émergée, c'est un peu, c'est l'humour. Et la partie immergée de l'iceberg, c'est la solitude d'un homme, la question du sens de la vie, et puis un homme qui maîtrise pas ce qui lui arrive, bien que ce qui, jusqu'à un certain point, lui arrive, lui est positif, puisque ça le relance dans la vie et dans les rencontres. Alors là, ouais, déjà, vous en avez dit beaucoup, en fait. C'est très bien. Parce que, voilà. En fait, ça, c'est le sens, c'est la ligne générale du texte, en fait, effectivement. Oui. Et qui, sous des dehors, comme ça, de drôlatique et absolument jubilatoire. Et on imagine que vous avez pris beaucoup de plaisir, enfin, on l'espère, à l'écriture, autant que nous, lecteurs, on peut en prendre à la lecture. Parce que c'est une suite ininterrompue de cocasseries, en fait. Mais pas seulement, justement. Parce que ce qu'on ressent en dessous, c'est une humanité particulière. Et puis, on en parlera peut-être une tendresse aussi pour ce personnage qui est quand même assez peu charismatique, c'est le moins qu'on puisse dire, contrairement à ce que la société fait de lui, ou le fait devenir, une icône, effectivement, starisée. Vous dites à un moment qu'il a à peu près le charisme d'un pot de rillettes provençales, puisque c'est sa spécialité, je crois, ou un peu quelque chose comme ça, ou de sa spécialité étant le boudin blanc au cèpe. Vous imaginez, Louis, icône de la cause mondiale contre le réchauffement climatique, ça sonne un peu curieux, mais justement, c'est l'aventure particulière de ce bonhomme, en fait. Mais une chose que vous ne nous dites pas dès le départ, c'est la façon dont, avant même qu'il s'engage dans ses aventures, donc une première fois en Antarctique, et puis un peu plus tard au pôle Nord, il a quand même un moment chez lui, encore avant de devenir cet explorateur, entre guillemets, il a ce moment particulier de béatitude face à ce qu'il a construit. Et ce qu'il a construit, c'est un grenier banquise, en fait. C'est-à-dire qu'après l'achat d'un manchot empereur, il ne peut pas s'empêcher de lui trouver la compagnie. Et en fait, il forme une dream team de manchots empereurs dans son grenier. Là, je sens des. Ça, c'est une idée extraordinaire, je trouve, parce qu'en fait, il va aménager ce lieu qui lui est très, que personne ne connaît à part lui, en fait, en banquise. Donc, il va climatiser l'espace aussi bien qu'il le faisait pour ce qui était les entrepôts de son ancien, enfin, pas les chambres froides de son ancien métier. Il va aménager ça avec une moquette blanche, un très beau canapé vanille qui fera un iceberg, un froid, vous imaginez juste ce qu'il faut. Il faut y rentrer avec des boots, un froid industriel, un froid industriel, c'est ça, et puis une lumière blanche d'halogène assez froide. Et donc, il se met en lévitation quasiment, face à ces animaux qu'il a constitués en équipe, en fait, comme une équipe de rugby d'ailleurs, non? Ils ne sont pas 13, ils sont 12, en fait. Avec lui, ça fait 13. 12 apôtres, on ne sait pas. C'est les 12 apôtres, en fait. C'est absolument ça. Il y a ce côté. Il y a du rugby à 13. Il y a un côté christique, il y a à la fois le côté christique et le côté rugbyman, en fait, c'est ça. Voilà. Et ça fait un pack, les manchots Ça fait empereurs, un parce que pack, en c'est fait. les animaux exposés au froid sont assez denses. Et Les manchots empereurs, les alors, castors, donc ils justement. sont plutôt dans le côté pack que côté, vous voyez, Alors, ailier, quoi. Justement, à propos du froid, alors ça, c'est le préambule, en fait. Là encore, on se dit, bon, cet homme est totalement original, givré, non, mais c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Mais juste après, vraiment, ça commence à vriller considérablement, parce qu'en fait, il se rend compte que la cause, enfin, ce qui menace en particulier ces manchots, empereur, c'est le réchauffement climatique. Et il en fait une affaire personnelle, en fait. Et là, sa vie part dans quelque chose d'absolument loufoque. Et on parle de loufoquerie, et bon, c'est un mot, je ne sais pas trop ce que ça recouvre, en fait. C'est pas un genre en soi, mais il y a plein de degrés d'humour dans ce texte, en fait. Il y a celle, la loufoquerie du projet romanesque en tant que tel, d'abord imaginer une telle histoire, mais après, il y a, dans les situations proprement dites, il y a une cocasserie extraordinaire, il y a une folie douce chez ces personnages. Il n'y a pas que Louis qui est perché, quand même, ou givré, entre autres. Il y a de l'ironie aussi, puisqu'en fait, vous, au passage, quand même, c'est une façon aussi, comme vous l'avez dit, de griffer un petit peu nos dérives peut-être contemporaines à travers un merchandising de l'écologie. Il y a des choses comme ça à la fin du texte qui se dévoilent beaucoup plus... Vous appuyez le trait quand même par rapport à ça. La critique qui peut être portée aussi sur la façon dont on nous prend pour des idiots en buvant de l'eau en bouteille qui vient des icebergs. Oui, en même temps, c'est mon propos, c'est pas du tout de dénoncer ce genre de choses. Moi, je me sens concerné par le réchauffement climatique en tant que citoyen, mais je milite absolument pas pour ça. Mais pour revenir à la loufoquerie, ça paraît fou ce qui fait le personnage. Louis, en même temps, c'est assez rationnel. Les fous sont rationnels dans leur système un peu fou. Donc ce qu'il fait, c'est comme un collectionneur. On collectionne d'abord un gobelet, après 10, 12. Après, évidemment, on n'est pas obligé de réfrigérer un grenier pour des bêtes qui sont empaillées. Mais pourquoi pas, ça l'occupe, vous voyez. Enfin, donc c'est quand même, même si ça paraît fou, ça l'occupe, donc c'est pas si fou que ça, ça lui donne du plaisir. Donc tout ce qu'il fait, ça a quand même une logique interne. C'est-à-dire que quelque part, ça lui fait du bien, c'est ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et peu importe le prétexte au fond de départ. On fait bien des choses qui ne sont pas très rationnelles, qui nous font plaisir. Voilà. Écrire des livres, c'est pas très rationnel, mais ça fait plaisir, donc on écrit des livres. En tout cas, nous, on a plaisir à vous lire, ça c'est sûr. Alors justement, je voudrais vous faire déjà peut-être entendre, si vous voulez bien, un court extrait de cette rencontre particulière et de l'effet que ça produit sur Louis, la rencontre avec le manchot empereur. Donc c'est au début du texte, c'est dans la première partie, on va dire, et c'est une révélation, en fait, je crois. Ça commence ici, et ça... Juste la page d'après, après celui-là. Donc c'est après l'acquisition du manchot empereur. Donc en fait, juste Louis a sauvé, ce que vous dites c'est très amusant, il a sauvé le manchot empereur de l'obscurantisme flamand. Parce qu'il l'a trouvé dans une armoire flamande. Et c'est ainsi que Louis descendit l'avenue des Blatterets avec son manchot empereur sous le bras, enveloppé dans un vieil exemplaire de Varmatin. Bien plus qu'un acte d'achat, un coup de foudre. Non pas un coup de tête, mais un coup de cœur. La modeste avenue des Blatterets s'avéra être un chemin de Damas. Un éléphant avait clôturé l'existence du comptable, un manchot empereur allait inaugurer une nouvelle ère pour Louis. Il avait aimé sa mère, Lise, son métier et la boutique de la rue Lavoisier, mais son amour pour le manchot empereur l'emporterait dans une autre dimension. Il brillerait dans l'infini le bleu retrouvé de son regard. Cette subite passion restera mystérieuse et dépourvue de sens, preuve de son authenticité. Le commencement d'une histoire d'amour en est la meilleure part, et toute vraie passion est un commencement toujours renouvelé. C'est pourquoi les vraies passions ne se terminent jamais, mais cessent un jour de commencer. Aimer passionnément, on ne sait pas où y dire, c'est être frappé d'un coup de foudre chaque matin en redécouvrant l'être aimé. C'est fatigant à la longue, mais c'est beau. Stupid bloody Tuesday man, you've been a naughty boy, you let your face grow long. I am the Eggman. Woo! They are the Eggman. Woo! I am the walrus. Cuckoo, ca-choo. Mr. City policeman sitting pretty, little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run, crying. Boy, you've been a naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman. Whoa. They are the Eggman. Whoa. I am the walrus. Whoa. Look at you. Oui, bien, vous avez bien sûr, bien entendu, je l'espère en tout cas, reconnu les Beatles pour de I'm the Walrus. Alors, le Walrus, bon, on est d'accord, c'est pas un manchot, mais enfin... Ce serait plutôt un morse. C'est plutôt un morse, mais c'est un voisin quand même. Hein, c'est un de ces... Ils occupent les mêmes glaçons. Voilà, une de ces grosses bêtes qui habitent les mêmes glaces, les mêmes contrées glaciaires. Donc, I'm the Walrus par les Beatles. Et retour avec Joël Baquet. Si le bonheur existe, le manchot empereur en propose une version plausible et maîtrisée. Quelque chose en lui transcende une placidité, souvent confondue avec de l'indifférence, et, pour peu qu'on l'observe sans préjugé, comme le fit Louis, on le voit bientôt avec les yeux de l'amour. Par une grâce de la nature, il se propose d'emblée comme un talisman. Il ne fait aucun doute que ses mensurations recèlent quelque chose comme un nombre d'or. La possibilité de le transposer à n'importe quelle échelle, sans déperdition, sorte de prédisposition mathématique à l'universalité. Le voir, c'est le connaître. Le connaître, c'est l'aimer. Moi, je voudrais bien qu'on lise tout, mais ça ne va pas être possible. Bon, alors, des extraits comme ça, on peut en décliner plein, effectivement. Je pense que vous aurez senti la teneur particulière du roman. Après, je pense qu'il y a autre chose qui... Bon, la dimension de l'humour, on l'a compris, c'est vraiment... C'est une grande affaire, quand même. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous prenez au sérieux, parce que c'est un travail de la langue, quand même, de donner à sourire, voire à rire. Comment vous y prenez? C'est un travail sur le mot, j'imagine. Il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, des formules toutes faites, ou du moins que vous construisez en fonction de votre état, d'une humeur. Dans un entretien très beau que vous publiez avec le Matricule des Anges, vous dites que la documentation que vous avez pu réaliser sur les manchots empereurs, elle est faite à minima. J'imagine que ce n'est pas une passion personnelle, le manchot empereur. C'est plus l'exercice après qui consiste à inventer une histoire à partir de là. Mais l'humour proprement, c'est quelque chose que vous avez manié dès le départ, en fait, dans votre travail. Que l'humour, je crois que c'est quelque chose qui me constitue profondément, même si ça ne se voit pas comme ça. C'est quelque chose qui est ma façon d'être et qui se reporte on peut être amusant dans la vie et ne pas le faire passer ça dans l'écriture. Enfin, pour moi, c'est le cas. Et il y a deux sortes d'humour. Il y a l'humour lié aux situations, aux images, et puis un humour que j'appellerais l'humour lexical, qui est joué sur la phrase. Donc, c'est deux types d'humour très, très différents et qui me viennent assez naturellement, en fait. Même dans des formes beaucoup plus, entre guillemets, sérieuses comme la poésie, il y a une forme d'humour lexical qui est beaucoup moins perceptible peut-être, mais qui est quand même présent. Il faut insister également sur la précision particulière que vous mettez à l'œuvre dans cette écriture. Ce sont toujours des textes très ciselés. Voilà, on peut parler vraiment de virtuosité aussi. Alors, c'est pas le mot parce que je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais enfin de grande habileté quant à la description et puis la concision. Il y a un sens du détail. Dans La mer, c'est rien du tout. C'était le détail autobiographique qui prenait le pas sur le détail fictionnel qui prenait le pas sur le reste. Mais dans tous vos textes, en fait, il y a beaucoup de méticulosité, beaucoup de précision, et c'est un des grands plaisirs à la lecture aussi. C'est pas seulement un livre drôle, en fait. Et déjà, merci aussi, je ne l'ai pas fait dès le départ, mais vous savez, en librairie, on demande souvent des livres drôles. Et c'est une question à laquelle on peut répondre d'un revers de la main, comme ça, parce qu'il en existe, bien sûr, mais des livres drôles bien écrits, c'est déjà moins fréquent. Des livres drôles bien écrits, intelligents, là, ça devient une denrée rare. Et avec de la sensibilité derrière, là, c'est carrément un cadeau pour nous, tous, lecteurs, parce qu'on a le sentiment non seulement de passer un très, très agréable moment de distraction en lisant, mais on a le sentiment aussi de se grandir par le style, en fait, enfin de se grandir. de vraiment d'avancer dans une découverte avec l'auteur, dans un travail littéraire, vraiment. C'est-à-dire que vous créez des formes qui sont séduisantes, amusantes, loufoques ou autrement, mais il y a toujours cette attention portée à la langue, qui est très belle, je trouve. Et ça, c'était présent déjà, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Est-ce que vous pourriez nous en donner un exemple à partir de ce texte-là, qui a donc un an, dans peut-être un choix personnel, quelques fragments, sur ce travail-là de concision, de précision. C'est comme si cette enfance, vous l'aviez regardée un petit peu à travers la loupe, a posteriori, votre propre, on peut dire ça, votre propre enfance ? Fictionnellement, on va parler fictionnellement, je crois. Oui, le jeu, le narrateur pour d'Allegrani, c'est quand même beaucoup moi. Les personnages secondaires, c'est un mélange de personnages réels et inventés, ou de plusieurs personnes en une seule. Le jeu, c'est quand même beaucoup, beaucoup moi. Ah, c'est vraiment. Ah, ça en fait des souvenirs, hein. On a des souvenirs communs. On a tous des souvenirs communs avec ce livre. Et en particulier, mais pas seulement ceux qui ont vécu un tout petit peu dans la région, ceux qui connaissent le sens du mot bouillacade. Une bouillacade. Ah. Parce que c'est du patois très très local. Ça, quand même, il faut savoir ce que c'est qu'une bouillacade. Vous ne pouvez pas sortir d'ici. Déjà que certains ont appris le sens du mot kéron. Non, pas kéron. Kéron. Ah oui, mais pour certains, le mot kéron, ça n'allait pas de soi en fait. Ça ne va pas de soi. Le kéron, c'est le moellon. Un moellon pour la construction. Alors la bouillacade, Joël, il faut que vous nous disiez une chose sur la bouillacade. Ça me paraît important. Le père du narrateur souvent s'emportait contre ses enfants ou d'autres en disant à propos de n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu nous racontes ? Il s'agit d'une bouillacade encore. Par exemple, à un moment donné, vous dites je voulais faire pisser les cigales. Non, j'essayais de faire pisser les cigales en leur mettant les pattes dans l'eau froide. Si la cigale ne pisse pas, c'est qu'elle ne boit pas. Si elle ne boit pas, c'est qu'elle n'a pas soif. Pourtant, chanter donne soif. Et là, vous concluez le mystère de la cigale. Je peux continuer, c'est trop bon. Alors, c'est Bernard qui m'a appris que les cigales ne chantent pas, mais font vibrer deux membranes spéciales. Seule la cigale mâle est équipée de ces membranes nommées cymbales. Égarée sous un lampadaire, soumise à une lumière perpétuelle, une cigale mâle vibre à mort. Ses cymbales s'emballent. Les cigales sortaient de terre, noircissaient au soleil, puis s'envolaient vers un destin de format estival. Pour mon père, le prétendu organe spécial des cigales était une bouillacade. Puisqu'une cigale chante avec ses poumons, comme tout le monde, forcément, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? C'est délicieux. Il y a une définition, je crois, de la bouillacade. Ah, oui, la bouillacade, en fait. Mais ça, c'est pour le plaisir du mot. C'est pas pour une nostalgie d'un patois. C'est le plaisir du mot. C'est les mots qui sont... Enfin, j'aime le mot pour le mot. Donc, pour bouillacade, c'est des mots qui me plaisent. Voilà. Tout simplement. Joël, dans ce livre également, il y a une anecdote qu'il faut citer, qu'on vous ressort, je pense, à chacune de vos interventions aujourd'hui, puisque... Vous êtes invité dans pas mal d'endroits pour parler de votre dernier livre. Mais dans celui-ci, vous évoquez une scène particulière qui vous a, ou du moins, enfin si on peut le dire quand même, qui vous est arrivée, parce que votre premier métier, et votre métier tout court d'ailleurs, avant de devenir écrivain, c'était d'abord gendarme. Vous avez pas avant de devenir écrivain, ça s'est fait de façon parallèle. De façon continue. Premier gendarme de France. Plus jeune. Ouais. Et un jour, il vous est arrivé quelque chose sur une plage, je crois, où vous exerciez votre profession. Et vous pouvez nous en parler un petit peu. Ça vous évoquera des choses en termes d'affinité par rapport à ce goût de la précision, quand même, qui vous est particulier. Oui, à l'époque, j'étais dans la police nationale, j'étais maître nageur dans les CRS. Donc, quand on fait ce métier, on surveille les plages l'été. Et puis, les vacanciers ramènent ce qu'ils trouvent sur la plage, peut-être des serviettes, des jouets, des portefeuilles. Et moi, on m'avait ramené un livre de Francis Ponge, qui est un poète du XXe siècle, qui est un livre d'entretien, c'était même pas des poésies, il fait des textes, c'était un livre d'entretien de ce poète avec Solers. Et j'avais feuilleté ce livre et j'ai pris goût, j'étais curieux de ce qu'il écrivait, Francis Ponge, donc j'ai commencé à lire de la poésie de cet auteur. Et après, j'ai fait le cheminement, d'un autodidacte, c'est-à-dire à partir de là, j'ai commencé à lire toute la poésie du XXe siècle, poésie classique, la poésie ultra-contemporaine, pareil avec la musique classique. Hein. Ça m'a pris des années, autant vous le dire. Et puis ensuite, je commençais à écrire de la poésie dans des revues et je suis venu à l'écriture comme ça. Et oui, donc Ponge, c'est un poète qui m'avait beaucoup intéressé très vite pour deux raisons principales, je pense, même trois. D'abord, il n'était pas du tout lyrique. Ensuite, chez lui, il y a la prééminence du lexique, du mot. C'est la prééminence du mot, du vocabulaire, du langage. Et parce que c'est quelqu'un qui aimait réduire les... c'est lui qui le disait, réduire les... La poésie, pour lui, c'était prendre un sujet, le réduire idéalement à une formule, c'est-à-dire en quelques mots. Donc il aimait la concision, la densité. Et là, je pense que c'est une tournure d'esprit. Moi, j'ai cette tournure d'esprit. L'esprit qui préfère aller plutôt lyrique, enfin, qui sont plutôt dans l'émotion que dans la sensation des choses. Moi, je suis plutôt dans la description, la sensation, que dans l'émotion directement exprimée. Et donc cet événement qui m'a amené à la littérature, ensuite à l'écriture, et c'est ce que je disais au début de tout à l'heure, c'est à rapprocher de la découverte par Louis de Manchot Empereur. C'est quelque chose d'extrêmement improbable. Mais dans la vie, il y a des choses qui arrivent, qui sont extrêmement improbables et qui font partir la vie sur qui la font dériver, partir ailleurs. Moi, ça m'est quand même arrivé, parce que sans ça, j'avais aucun rapport à la littérature, à la lecture. Je lisais même un peu tout et n'importe quoi. Donc, alors la graine est tombée sur un terrain sans doute fertile, mais sans cet événement, je pense que je ne serais pas venu à la littérature du tout. Voilà. Il y a autre chose de très très beau dans ce livre également. Il y a quelque chose qui est sans doute le plus touchant et le plus désarmant par sa vérité, parce qu'on ressent de celui qui l'a écrit, c'est ce que vous dites à propos du peuple des enfants. Alors, est-ce que vous avez été un membre actif du peuple des enfants? Ça, c'est vous qui le dites. On est tous passés par là. On est tous passés par là, mais on est tous plus ou moins... Enfin, on n'est pas forcément tous encore actifs, en fait, hein, dans l'action. Est-ce que Louis en fait partie? Tiens, ouais, vous faites... Le personnage de votre dernier roman, on pourrait le raccrocher à ça aussi. Ben Louis, un passage sur sa jeunesse, il a eu une enfance assez proche de la nature, il aimait observer les insectes, les animaux, voilà. Les escargots. Les escargots. Il y a une très belle description de l'escargot qui est pongienne, en fait. Et après, évidemment, il est devenu adolescent, alors là, ça part en sucette toujours, donc il n'a pas échappé à la règle. Voilà, il a commencé à faire du funk, puisque c'est un personnage très très âgé, il n'y avait pas le rap à l'époque, mais c'était le funk. Et il avait écrit quelques paroles et il s'appelait Fuck Dog Louis. Voilà, ça a été la période adolescente. Chantal Garage, oui, je vois qu'il y en a qui ont dit. Louis Samourage de Chantal Garage, sa voisine, non ? Une ado de Et ensemble, ils font des choses extraordinaires, musicalement, j'entends. Musicalement. Ça, c'est pas très long, leur voisinage musical, ça reste un moment très particulier. Alors après, il y a plein d'autres choses autour d'une histoire de biscuit. Je vous laisse avec ça. De trip hallucinogène, hallucinatoire peut-être, non, plutôt. Ouais. Ça, c'est, on change complètement d'horizon, on revient à la banquise. En fait, je voulais qu'on lise Le Peuple des Enfants, mais ça va être trop long. Lisez-le. Hein. Lisez Le Peuple des Enfants. C'est extra... Ah. On peut lire 3-4. Levez la main, ceux qui sont d'accord. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a une phrase notamment où il dit « Personne n'a le temps de s'habituer à son enfance. » Alors voilà, on retrouve cette forme très quasi aphoristique, pour parler un peu savamment, mais voilà, de forme brève, ou très morcelée comme ça, où le fragment prend tout son sens parce qu'il est d'une extrême concision. Et le texte dans son entier est presque bâti comme ça, mais tout se tient, tous vos textes comme ça se relient dans ce souci là encore de la précision, du détail, d'une forme de concision, et ça fait mouche vraiment, pour reparler des mouches, ça, non, là-dessus c'est très réussi. Et puis que dire encore, est-ce que déjà peut-être certains veulent réagir, je ne sais pas ceux qui l'ont lu, est-ce qu'il y a des choses qui vous apparaissent? Oui, moi c'est la profonde humanité qu'il y a derrière ce peu de mots. Et il y a notamment un moment, il s'agit de votre expérience de CRS sur une plage, et où vous dites, Un vieil homme était revenu à lui après mon massage cardiaque. J'ai vu alors ce numéro tatoué sur son poignet où je surveillais le pouls. C'est comme si j'avais ressuscité un déjà ressuscité. Bon, c'est tout. C'est tout un... Il y a tout un pan d'émotion qui porte. Oui. Il y a un refus du sentimentalisme, mais l'émotion en est d'autant plus forte. Oui, oui, moi je suis très très loin de rejeter l'émotion, mais je préfère faire passer par des moyens qui sont indirects, toujours. C'est pour ça que je dis que le lyrisme, j'ai pas une tournure d'esprit lyrique, je passe vraiment de façon indirecte. Hein. Enfin, j'essaye. Just like a penguin in bondage, bowing. Oh yeah, oh yeah, way over on the west side of the bay. Nerves for moisture. Just like the mighty penguin flapping right on wings. The penguin flap. Lord, you know it's all over. If she come at you on the strut, wrap all around your head, flapping her out, wings flapping. She's just like a penguin in bondage, boy. Shake up the pale, dry ginger ale. Trembling like a penguin when the battery burns. Lord, you must be having a jumping through a hoop of real fire with some Kleenex wrapped around the coat hang wire. Some ass-articulated mode. a frostbite night with her flaps gone white, streaking as she sparkles across the room. Every time she sees the loop, you know it must be a penguin bound down. If you hear that terrible screaming, and there ain't no other birds around. Just like a penguin in bondage, boing. Oh yeah, oh yeah. She's just like a penguin in bondage, boing. Oh yeah, oh yeah. Oh, you must be careful not to leave her straps too loose. Cause she just might box your dog. Cause she just might box your dog. And give you a lot of dog biscuits. Oui, Frank Zappa. Frank Zappa, dans un titre peut-être pas des plus connus, mais qui nous semblait tout à fait convenir au récit de Joël Baquet. Ce titre, c'est le suivant, The Penguin Bondage. Et quand on sait que le héros du roman fait une rencontre quasi amoureuse avec une femelle manchot, eh bien écoutez, l'histoire est dite. Et avec Frank Zappa, c'est toujours une surprise, mais avec Joël Baquet, nous avons aussi des surprises, et c'est pas fini. On prend beaucoup de plaisir à lire ce roman, du coup. Évidemment, vous l'aurez compris. Est-ce que vous-même vous en prenez à l'écriture? Est-ce que ça se passe? Ah oui, oui, pour moi c'est un plaisir l'écriture. Hein. Comme je disais, sinon j'écris pas, je me force jamais à écrire. Et quand je commence à écrire, c'est qu'il y a, un besoin, il y a une envie, il y a un déclencheur qui a fonctionné, qui m'a mené à écrire. Ce qui veut dire que je ne suis jamais certain du tout de recommencer à écrire. Si je n'ai pas une envie qui me prend d'écrire, ben je n'écris pas, ça peut durer des très longues périodes. Pendant ce temps, je retravaille ce que j'ai en cours, ou je ne fais rien, hein, je vis normalement, voilà. Vous dites le plaisir immédiat de l'écriture l'emporte sur toute autre considération. Ah oui, oui. Y compris celle de la construction du texte, en fait. C'est-à-dire que vous avancez vraiment sans trop savoir. Ah, mais sans savoir du tout. Sans savoir du tout où ça va vous mener, en fait. Oui, c'est comme ça. Le plan n'est pas posé et ensuite. Non, jamais. Jamais. Après, il y a un gros travail souvent de construction parce qu'effectivement, comme je suis juste le moment. À la fin, soit il y a des incohérences chronologiques, il y a plein d'incohérences qu'il faut que je repère et que j'ajuste. Mais ça, c'est du travail technique, on dira. Pour les romans, en général, les romanciers, ce qu'ils veulent, c'est raconter une histoire. Ce qui paraît évident. Dans mon cas, c'est je ne veux pas raconter une histoire. Je veux juste écrire, faire des phrases. Mais petit à petit, s'agissant du roman, forcément, il y a un personnage qui apparaît. Dès lors, il ressent des choses, il lui arrive des choses, il y a d'autres personnages qui se greffent. Mais je n'ai pas l'intention de raconter une histoire. Elle se raconte petit à petit, vraiment au fil de la phrase. Je ne sais pas si je suis clair, il me semble que si. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas de plan, je ne sais pas du tout, j'ai pas de façon schématique, je ne sais pas du tout vers où je vais aller. Alors, la fin du texte, c'est un final. Le final du texte, c'est un feu d'artifice, véritablement. Vous verrez si vous allez jusqu'au bout. Là, vraiment, vous avez mis le paquet, on peut dire, Joël. Hein, on ne peut pas exactement vous raconter de quoi il retourne sa nappe. Voilà, ça serait un peu dommage de vous déflorer l'histoire. Non, mais c'est juste le feu d'artifice, en fait. Voilà. Dans la rade de Toulon. Y a pas d'ailleurs, j'hésite à le finir. J'ai peur de le finir, parce que c'est tellement que même je relis les phrases précédentes. Ouais. Il n'y a pas de morale sous-jacente. Mais ça me fait très plaisir que vous disiez ça, parce que ça illustre un peu le fait que pour moi, c'est le plaisir de la phrase, vous voyez. Et moi-même, j'aime les livres dont je relis certaines phrases 2, 3, 4 fois, parce que c'est des phrases qui sont riches, littéralement. Donc, enfin, voilà. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Je vois, il n'y a pas de morale sous-jacente à ce texte, alors, sur le, ce qu'on pourrait décrire des dérives de l'écologie, marchandiser, tout ça. C'est quelque chose qui viendrait se plaquer plus après coup par des lecteurs que ce que vous avez voulu faire vraiment. Ce n'est pas une façon de dénoncer ou de... Non, en aucun cas. C'est l'écriture pure, quelque part, voilà. Et le reste, ça ne m'intéresse pas de dénoncer quelque chose ou de la morale, non. Alors, ça arrive dans le texte parce que c'est une personne qui écrit, donc elle... Même inconsciemment, on ressent des choses et ça passe à l'écriture, mais c'est jamais mon propos, ça. Et d'ailleurs, il faut dire que ce personnage de Louis, qui est un anti-héros, véritablement, enfin, qui n'est pas... Oui, il y a une phrase où il dit que c'est le Forrest Gump de l'écologie. Il est tellement facilement moquable, en fait, mais ce qu'on ne ressent jamais dans le roman, à son propos, c'est une forme de méchanceté. C'est tout le contraire, en fait. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de tendresse, et c'est l'humanité qui se dégage du roman. Elle tient aussi au fait que cet homme, il est plus vécu par les autres, enfin, il est plus conduit à devenir Forrest Gump, c'est tant que ça ait un sens pour lui, parce que le désir de tel ou tel l'en a décidé, que lui-même, c'est quelqu'un qui agit plus qu'il ne décide vraiment. Il décide de partir, quand même, c'est de son propre chef, d'aller au-devant de cet inconnu, absolument, dans un univers hostile, parce que en Antarctique, par moins 40, et d'ailleurs à cause de ces fameux biscuits, il lui arrive deux ou trois mésaventures, vous verrez, mais au fond, il se relève, et puis il dodeline de la tête, c'est sa façon la plus explicite d'exprimer ses sentiments, parce que c'est quelqu'un qui est assez taiseux quand même, et il dodeline beaucoup. Il n'exprime rien de particulier. Donc il y a beaucoup de dodelinement. Et il est très attachant, en fait. Il est assez attachant, je trouve. Vous l'avez rendu très attachant. Ouais. Ce qui est curieux, c'est qu'une fois que j'ai terminé le livre, je lui avais retravaillé beaucoup, il était prêt à être proposé à l'éditeur, et je l'ai encore gardé pour le plaisir de... Parce que ça paraît ahurissant, mais je m'étais vraiment attaché à Louis. C'est-à-dire, j'avais du plaisir à... Je ne m'explique pas ça, d'ailleurs. C'est assez curieux. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais j'arrivais pas à me défaire du texte. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de revenir, justement, comme vous le disiez, vous aviez du mal à vous détacher de Louis, mais est-ce que vous êtes revenu sur son personnage pour lui apporter encore plus de détails, d'ampleur ou de choses comme ça à la relecture ou pas, ou tout était déjà fini? Ah non, le retravail, après on affine les choses. Puis il y a des choses qui arrivent un écrivain, mais qui arrivent de nulle part, donc il faut revenir en avant pour donner un fondement, faire un écho, ou après pour lui donner un écho par la suite. Ce que j'avais fait avec le livre La mer, c'est rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui résonnent entre elles. Et donc, quelque chose qui paraît anodin au début, ça a une résonance différente à la fin. Ça peut passer du comique au tragique ou le contraire. Donc, dans le roman, je fais pareil. Et des fois, ça m'a rendu compte. Par exemple, la couleur orange du père et de là, c'est pas volontaire. Je l'ai vu après. D'autres choses, c'est volontaire. C'est pour faire des correspondances. L'emploi des dictons, par exemple, ça... je me suis dit, tiens, ça fait beaucoup de choses, en fait, j'en prends conscience une fois que c'est fait, mais en général, oui. À propos de vos personnages, vous avez une phrase très belle qui est citée toujours dans ce très beau numéro du Matricule des Anges, où vous avez un beau dossier. « Mes personnages sont des solitaires qui se débattent comme des poissons dans un filet. Parfois, quelques mailles lâchent, ils vont frétiller un peu plus loin, mais c'est pas gagné. » Qu'est-ce que vous vouliez dire avec par là? Ce que je veux dire, c'est que ce qui relie ces quatre livres dont vous avez parlé, c'est que ce sont des anti-héros, toujours, et qui sont fondamentalement très, très seuls, très solitaires. Et donc, ce sont des... Dernièrement, j'étais à Manosque, et il y avait le centre Jeannot, Jean Jeannot. Donc, il y a une exposition, et il y a une phrase de Jeannot qui avait été écrite en gros. Et quand j'ai vu ça, j'étais frappé, parce que c'est une phrase que j'avais employée moi-même. Alors, elle est assez simple, donc beaucoup de personnes ont pu la trouver, mais c'est « Je suis un pessimiste joyeux ». Et du coup, je me suis fait photographier dessous, parce que je crois que mes personnages, moi je me sens comme ça, je crois. Je suis assez pessimiste en général, mais plutôt joyeux, et l'humour est une façon d'exprimer un peu cette joie de vivre. Mais les personnages, donc, ils sont amusants, mais fondamentalement, c'est des anti-héros, c'est des gens qui sont seuls, qui ont beaucoup de difficultés dans les rapports. Et ça, c'est le fil conducteur de ces livres, je m'en rends compte maintenant. C'est toujours des personnages très seuls, en fait, et qui subissent les choses et la difficulté qu'on connaît d'aimer, tout ce genre de choses, d'être en quête, trouver un sens à sa vie. Donc, c'est des choses qui reviennent systématiquement. Oui, c'est vrai dans, dans R du Mouton. Oui, dans tout, c'est le trader aussi. Dans le trader, qui est... C'est une des raisons, sans doute, pour lesquelles il s'enfonce dans la tricherie, parce qu'il est très seul. Joël, disais-nous une dernière fois ce passage dont vous avez évoqué à votre arrivée, le fait que vous y teniez sur la bananerie, peut-être. Ah non, c'est pas que j'y tenais. Ah si, si, moi j'y tenais. C'est que je pensais qu'il n'y en avait que à lire, et j'ai dit je pourrais lire s'il y avait. Un dernier, pour la route, si vous voulez. Donc celui-là, il y a un début de texte. Il concerne non pas Louis, mais le père de Louis, qui était donc comptable. Ses espoirs de carrière au sein de Bneu Sud-Ouest étant partis en fumée, le comptable avait longuement soupesé les avantages et les inconvénients d'une inattendue proposition d'emploi dans la plus grande bananerie de Côte d'Ivoire. Attiré par cette opportunité, mais hésitant devant l'exil en terre inconnue, il avait consacré une page de son carnet au pour et une autre au contre. Il examina la banane d'un œil inquisiteur et découvrit un fruit aussi méconnu que familier sous sa forme la plus répandue, la Cavendish. Indubitablement, la Cavendish était le fruit de la mondialisation heureuse. L'universalité des chiffres et l'expression « s'ouvrir à l'international » le convainquirent d'aller travailler dans la banane. Sa femme ne s'y opposa pas, elle fut même heureusement surprise de découvrir chez son mari cette petite pente aventureuse. Sa décision prise, le comptable ne mangea plus de bananes qu'avec le plus grand respect, conscient des chiffres considérables que résumait, à la façon d'une virgule qui donne forme et sens à la phrase, sa silhouette de lune tigrée. Cette perfection de la ligne, invisible au commun des mortels, devint pour lui un puissant symbole érotico-arithmétique. Le comptable croyait aux chiffres, pas au destin. Il n'avait pas tort. Qui aurait pu croire au sien et à celui de son fils posthume? Et il se mit à croire en la banane comme il avait cru au pneumatique. Non pas avec ferveur, ce n'était pas dans son tempérament, mais avec sérieux, de façon informée, contextualisée et validée par les statistiques. Il aurait appris avec ravissement que la banane et l'être humain partagent 40% de leurs gènes. Dès lors, il n'aurait plus mangé de bananes, mais se serait incorporé cette cousine éloignée comme on communie, faisant chair de sa chair, avec la légère excitation de frôler un acte de cannibalisme, tant les 60% restants lui auraient semblé résider un peu de choses. La capacité de jouer au baby-foot, ou d'essuyer la vaisselle, d'écraser un moustique, ou de changer les piles d'une calculette. Il l'épluchait avec lenteur et respect, s'émerveillant de sa douce cambrure, procédant du bout des doigts à la mise à nu de cette chair ferme puis fondante, dont le dévoilement progressif fait de la banane l'incontesté pin-up des fruits. Installé avec sa femme et quelques voisins sous la véranda de leur petite maison, au creux de nuits africaines trouées par le cri de petits animaux trucidés par de plus gros ou de plus féroces, il aimait disserter sur l'importance de la banane pour l'économie du pays comme pour la presque totalité de l'humanité qui, pour une somme modique, peut absorber à tout moment de la journée des calories hautement digestives, sans se salir les mains, sans jus qui dégouline ni épluchage compliqué. Ah, soupirait-il dans ces moments de relâchement, après deux ou trois verres de liqueur de banane. Si tout pouvait être à l'image de la Cavendish, facile à produire, à transporter, à se procurer, à éplucher, à consommer, à digérer. Si tout pouvait s'aimer aussi facilement, ajoutait-il parfois, sans remarquer le léger froncement de sourcils conjugal qui s'en suivait. Merci. Merci. Thank you. get back. I'm a blackjack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to goody good bullshit. I'm in. Bon, nous ne vous ferons pas l'injure de vous demander qui était en train de jouer, de quel titre il s'agissait. C'est Money, c'est le Pink Floyd. Alors pourquoi ce titre ? Ben, c'est tout simplement que notre héros, le héros de la fonte des glaces, devient malgré lui une sorte d'icône de la défense, de la protection de l'environnement et bien entendu, une sorte de star, je dis bien encore une fois à son corps défendant, une sorte de star qui attire, eh ben, qui attire quoi ? Qui attire l'argent, bien évidemment. Money, Pink Floyd. Voilà, et avec Money, Pink Floyd, nous quittons Joël Baquet, et tout est bien qui se finit bien, si je puis dire, et à très bientôt autour de nouvelles lectures. À bientôt.